direction de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Marc Chaunet et Bruno qui va sûrement se joindre à nous. C'est notre dernière émission là, de 2015. On a quelques nouveautés pour vous ce soir et plusieurs des meilleures pièces de rock progressif de 2015. Comme nouveauté, on a deux groupes italiens. Vous ne serez pas surpris qu'on vous fasse jouer de l'italien. Une deuxième pièce également du nouveau de T-Club. On a également une deuxième pièce du nouveau Leap Day, From the Days of the Deucalion Chapter 2. On a que Michel vous a fait jouer la semaine dernière. Et on a comme nouveauté pour débuter l'émission Autostrada. Alors, c'est leur second disque. Auto, c'est le chiffre 8 en italien, donc en écran chiffre romain, donc V-I-I-I, Strada, Autostrada. Et leur plus récent album, Babylone. C'est décrit un peu comme du métal progressif, peut-être parce que la guitare est un peu lourde, mais c'est vraiment pas ça. Il y a des beaux arrangements. C'est excellent. De Babylone, on ira la pièce Ombre Chinesi, les ombres chinoises. Ensuite, on aura de T-Club, donc du plus récent album, Grappling, si vous aimez là, la musique qui vous amène dans des sentiers inconnus, des terres inconnues. Procurez-vous cet album, très, très, très surprenant. Ça ressemble à rien, c'est un peu... Ouais, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de feeling dans le chant. Vous allez le voir dans cette pièce-là, Remember Where You Were. Et on aura également The Psychedelic Ensemble, de leur plus récent album Sunstone, une pièce qui... On a fait jouer déjà quelques pièces, puis vous allez voir, il y a des styles différents dans ça. Ici, ça ressemble plus à Jethro Tull, 100 Years On. Et... Également, on vous parlera du festival Terra Incognita. Si vous ne le saviez pas déjà, il y aura un festival Terra Incognita en 2016. On vous en parle un peu plus tard. On débute tout de suite en musique avec, comme je vous l'annonçais, Autostrada, tiré de Babylone et la pièce Ombre Chinesi. cresce nel mio ventre il bisogno di parlare di tu e tu. Ti nascondi dietro le movenze false di una danza, abile gioco di apparenze. Sei uguale omologata a chi fatue di un'arte antica, le ombre cinesi. Soddisfatte grida al mondo, ma lo scuro che c'è in te. Coi silenzi e le malinconie, coi sorrisi dolci senza le bugie. Sai, I'm any other, but like the vision of our fathers who has come, we ride tomorrow, and may the grasses grow the greenest. And our blood has been spent. Thank you. push it all away, but we're gone 100 years old. Time will wash it all away, but we're gone. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Millennium pour millénaire et non pour Lisbeth Salander. Millennium pour 1000 ans de musique qui vous sont proposés tous les mardis soirs dès 19h30. Il y a deux sortes de musique, disait Duke Ellington. La bonne et la mauvaise. Millennium vous propose la première dans tous les genres et de toutes les époques. Ainsi, le troubadour Muddy Waters côtoiera son ancêtre Bernard de Ventadorn, Chopin et Catherine Major partageront leur clavier et Frank Zappa se disputera avec Miles Davis. À ne pas rater, c'est Gilles Chomel qui régale. CKRL, Québec. De retour avec Bruno et Marc à l'émission Terra Incognita. Alors, ce que vous avez entendu juste avant la pause, c'était un doublé américain avec le groupe qui a terminé, c'est The Psychedelic Ensemble, tiré de leur plus récent album de Sunstone. C'est leur cinquième album depuis 2009 et très bel album varié. Ça va certainement se classer là, dans les meilleurs albums de rock progressif là, pour les amateurs pour 2015. Juste avant, il y avait donc The Tea Club, c'est leur troisième album, Grappling, ça vient de sortir, et c'était la pièce Remember Where You Were. On avait débuté avec Autostrada, tiré de Babylone, leur second disque, et leur premier était paru en 2008. C'est un groupe que je connaissais pas, mais il y a quand même un drum et une guitare qui sont assez élevés, là. Mais il y a des très belles mélodies dans ça, un album intéressant à découvrir, Autostrada. Alors maintenant, pour la deuxième heure, on vous parlait du festival Terra Incognita qui aura lieu en mai prochain, les 20, 21 et 22 mai prochain. En fait, le festival, c'est le vendredi soir, débute avec RPVL qui viennent nous présenter un spectacle de Pink Floyd, un spectacle que Pink Floyd avait monté en 1969 avec des pièces de Uma Guma et More, The Man and the Journey. Donc, ceux qui étaient ici à la radio, qui écoutaient Denis Barry, son thème, l'ambiance, qui nous faisait beaucoup écouter avec les spectacles de Québec en 1971, c'est pas mal dans cette ambiance-là, hein, The Man and the Journey. Donc, RPVL, le vendredi soir, c'est au Centre d'art La Chapelle. Ça, c'est le 20 mai. Le 21, il y a Inner Odyssey. Et on débutera le bloc avec Inner Odyssey. Ce groupe de Québec, leur second album, est un excellent disque. Franchement, dans les parutions rock progressive québécoises de cette année, c'est un des bons, un des meilleurs. Inner Odyssey, Ascension. Il y aura Abel Gance de l'Angleterre pour leur première visite au Canada. Et RPVL, RPVL qui sont là pour un spectacle de musique originale de RPVL, les plus récents albums. Et le jour suivant, le 22 mai, il y a Kinetic Element des États-Unis, Unreal City, dont on aura un extrait plus tard, ce groupe qui avait fait un tabac, comme on peut dire, il y a 2 ans. Ces jeunes musiciens talentueux qui font cet album-là également. Moi, c'est un de mes préférés du rock progressif de cette année. Et Sylvan de l'Allemagne. Sylvan est leur première visite également au Canada. Donc tout ça, c'est au Festival Terra Incognita. 12e édition, donc 20, 21 et 22 mai prochain. Ensuite, on va débuter l'année avec The DG Project au Centre d'art La Chapelle, de jeunes musiciens de Québec talentueux qui étudient au conservatoire et qui ont monté un hommage à Gentle Giant. C'est vendredi le 8 janvier. Allez voir ça, The DG Project. Ensuite, le 9 janvier, il y a Piezo, groupe de Québec également, qui seront au Cercle. Ensuite, on se transporte le 29 février avec Steven Wilson au Grand Théâtre. Cette fois-là, la grande salle, le son va être meilleur. Son album 4 and a half, 4 and a demi, et And Cannot Erase. Steven Wilson est décidément dans les albums, les artistes préférés pour les albums de 2015. Le 8 avril, Steve Hackett. Le grand Steve Hackett, on aura une pièce également au Grand Théâtre, donc avec son spectacle Acolyte to Wolflight. Excellent nouveau disque Wolf Flight de Steve Hackett. Il y a Dream Theater, les billets sont déjà en vente le 16 avril au Théâtre Capitole. Et le Stickman, ça c'est le groupe de Tony Levin avec Pat Mastelotto, le 28 avril au Cercle. Fait qu'il y a déjà pas mal de spectacles là, qui sont annoncés dans le rock progressif pour le début d'année 2016. Alors on va y aller avec Inner Odyssey, donc l'excellent album plus récent avec la pièce Where It Begins, Where It Ends, Final. Ensuite on ira avec le second extrait pour The Leap Day, Leap Day, groupe des Pays-Bas, leur plus récent album, une très belle réussite pour ce groupe qui est assez néo-prog dans son style. Ça ressemble pas mal au premier IQ, souvent dans les ambiances là, pour ceux qui c'est comme la naissance de la renaissance du prog. Leap Day et la pièce Deucalion tirée de The Days of Deucalion Chapter 2. Et on aura également ensuite de ça, qu'est-ce que je vous ai présenté, on va voir le temps qu'on va avoir, mais normalement on aurait Goblin Rebirth. On a eu Cherry Five avec le fondateur de Goblin. Il y a également Goblin Rebirth cette année, nouveau disque avec Claudio Simonetti. Alors allons-y tout de suite en musique avec Inner Odyssey. As we try and try again, and we fail to comprehend that the meaning of our lives was always right before our eyes. Whatever comes, whatever goes, no matter how much the storm gets close, I know that we'll come through. I know that we'll come through. Stumbling, wandering, the excuses and forgiving, but I know that we'll pull through. I know that we'll pull through. And stand together in the rain, hoping for better tomorrows. And in a single voice, our heart beats like blessed drum rolls. And like the seeds of hope, we were scattered. We all stand. sits in his backyard looking at the sky. Dark clouds gather into Cali and wonders why. Dancers answers, the world is coming to an end. Man behaves in a way that was never meant. So build a chest out of wood and get food as much as you can. For the chest will be your hiding place. You'll be the last and first of men. So build a chest out of wood. Then take your wife and hide. 'Cause soon the tide will rise. Then the rains will come and a flood will cover the earth. All that lives will soon be immersed in the water. It's a shame, but the world is coming to an end. Man behaves in a way that was never meant. So build a chest out of wood and gather food as much as you can. For the chest will be your hiding place. You'll be the last and first of men. So build a chest out of wood. Then take your wife and hide. 'Cause soon the tide will we'll be right back.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. En tant que bénévole pour l'opération Nez Rouge, on a déjà... Cherché la rue Montmagny pour finalement se ramasser dans la ville de Montmagny. Chanter dans un resto pour réveiller une cliente. Trouver une maison avec une télécommande de garage. Aider le monsieur qui, à mi-chemin, s'est rendu compte qu'il avait oublié sa femme. Peu importe ce qui arrive, ça fait toujours des soirées mémorables. Ça finit toujours bien. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge au 1-866-DESJARDINS. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Vous êtes détenteur d'une carte de membre de CKRL? Obtenez 15% de rabais chez Vap Classique au 3136 Chemin Royal, Québec. Vapclassique.com. Choisissez l'alternative au tabac. Choisissez Vap Classique. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Ça a commencé avec le Montignac. Après ça, il y a eu l'oriental puis l'occidental. J'ai aussi essayé le paléo, le 5-2, le californien, le Atkins. Des régimes, j'en ai fait un puis un autre. Mais je pensais jamais qu'un jour, je serais rendu au régime forcé. Le visage de la pauvreté change. Jusqu'au 24 décembre, c'est la grande guignolée des médias. Donnée chez Maxi, Provigo, Jean Coutu et Via Capital. 89.1. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. C'est KRL. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Oh, wow. Oh, wow. Cultive tes goûts. And I'll fly on the wings of a butterfly. High as a tree top. Et de retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita. Alors, on a cultivé vos goûts musicaux, espère-t-on, avec Steve Hackett, l'excellent album Wolf Light. Steve Hackett qui nous visitera donc en spectacle au Grand Théâtre de Québec le 8 avril, Acolyte to Wolf Light. Alors, pour fêter les 40 ans de Voyage of the Acolyte. Steve Hackett, donc, en spectacle, c'était son excellent album. Juste avant, il y avait eu A Leap Day et un extrait de From the Days of Deucalion, Part 2, la pièce Deucalion. Alors, on poursuit en musique avec Unreal City, qui seront également en spectacle pour leur second concert au Québec, au Canada, le 22 mai prochain. Unreal City et leur plus récent album Il Paese del Tramonto, le pays du soleil levant, et la pièce Oniromandia qui fait partie des pièces qu'ils interprètent en spectacle. Et on va poursuivre avec un groupe scandinave. Et il s'agit de Agusa de la Suède, Dva, leur second disque, et la pièce Ganglat från Vintergatan. Alors ça, c'est dans l'esprit là, des vieux Pink Floyd, là. Puis je vous parle de ça aussi, le style au Magouma, un peu comme ce qu'on aura dans The Man on the Journey au festival Terra Incognita avec RPVL le 20 mai. Alors on y va tout de suite avec Unreal City et Agusa. We'll be right back.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la culture. Les bouquins à bord, les lundis 18h30 avec Barbel Rink. Les enfants du paradis, les lundis 17h30 avec Robert Boisclair. L'aérospatiale, les mardis 17h30 avec Audrey Caro et Gentilane La France. Situation critique, les mardis 18h30 avec Pierre Blais. Et La vie en BD, les vendredis 17h30 avec Raymond Poirier. I wish the telephone had not been invented. 'Cause I keep picking it up to say stupid things to you. The rain has stopped for now, but I know it's not it. Say Huxley, Workman, CKRL, 89.1. Alors, de retour à Terra Incognita, ça faisait une drôle de transition avec notre émission. C'est toujours de la bonne musique. On espère que vous avez apprécié le groupe Aguza de la Suède, tiré de leur plus récent album Dva, qui veut dire tout simplement deux en suédois, et la pièce Ganglat från Vintergatan. Alors, une longue montée psychédélique, des très bons moments, un très beau son d'orgue mélangé avec la flûte. C'est un de mes albums coup de cœur de cette année, Aguza. Alors, on a de la très bonne musique et on poursuit d'ailleurs avec un doublé italien, la nouveauté Goblin. Le retour avec Goblin Rebirth, Back in 74, la première pièce, et également Spetri, qui est un groupe italien qui avait fait paraître un album en 1972, et là il y a un nouveau. Due 1963, La Nemica dei Ricordi de Spetri. Et ensuite, on aura Third Degree, un extrait de leur plus récent album, Ones and Zeros, Volume 1, la pièce We Regret to Inform You. Et on fera une belle transition avec l'autoroute. Jacques commence déjà à se préparer pour vous préparer 4 heures de bonne musique normalement dans la nuit pour l'autoroute avec les années 60 et 70. Et pour faire une transition, on a un groupe du Québec, God Inc., et leur premier album. Et on aura d'ailleurs un extrait de Minstrel's Tale pour faire la transition. C'est donc The Condensed Story, le prologue qu'on écoutera, le prologue de Minstrel's Tale. Donc, ben, on y va tout de suite en musique avec ce doublé italien. Ensuite, Third Degree et God Inc. Donc, une dernière demi-heure de bonne musique sur les ondes de CKRL avec Goblin. We'll be right back. C'était Goblin Rebirth, c'est très bon, hein? Back in 74. Et un petit changement de programme, on y va avec Big Big Train tiré de leur plus récent EP, Wassail, et la pièce d'ailleurs Lost Rivers of London. A glass to thee. Sing a song. Stand fast and strong. Bow and leave bare fruit to plenty. In Eden come when the world was young. Paradise was where it all began. Just one bite was all it took. Expulsion and the fall. We bless your crown. Yield much fruit or fell ye down. Raise your roots. Hear me, tree. Bow and leave bare fruit to plenty. day. This is a courtesy call from Valhalla Biotech. Your economy level family sentience transfer process has crashed due to anomalous delta wave activity. At this time, we regret to inform you that your father has been fragmented. Valhalla Biotech and you, a singular relationship. Thank you, and have a transcendent day. Yeah.